La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler des Gaillards de Jonquin avec notre ami Simon Gagnon. C'est pas mal le dernier joueur qui reste du haut du lac à parler avec des Gaillards. Les Gaillards qui vont jouer un gros match contre Antic en fin de semaine. Et on lui parle. Salut Simon! Salut Danny. Simon, en fin de semaine, le moral est comme inquiétant parce que moi, je vais te dire en affaire, je l'ai écouté sur le web, le match. C'est pas mal le fun en passant. Un petit commentaire comme ça à voir le match sur le web. C'était 17-0, puis je vais te dire en affaire, quand vous étiez 4-1, vous aviez 4 essais pour faire une verge, puis vous n'avez pas été dans la zone des buts. J'ai décroché pendant une couple de minutes. Je suis allé voir, puis par la suite, il y avait un toucher, puis c'est là que je me suis raccroché. Mais comment était le moral des gars suite à ça? Ben, je te dirais que ça a été dur pour vrai, là. On savait pas ce qui marchait pas, puis ça voulait pas y aller, là. Ça voulait vraiment pas avancer. Fait que, veut pas, nous autres, à la défensive, on regarde. On dit, ouais, va falloir y retourner, va falloir être plus fort encore. C'est plus dur, c'est sûr, certains, on perd panique un peu sur le parti, mais on essaie tout le temps de garder le sang-froid, puis on dit qu'on est capable, on va donner tout ce qu'on a, on veut pas que ça soit notre dernier match, fait que ouais. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire aussi. C'est souvent ça, hein, au football. Hein. Quand l'attaque marche pas, la défensive doit faire un gros jeu pour rallumer la flamme, puis c'est ça qui est arrivé. Là. Ouais, ben, c'est très ça, là, c'est en plein ça. C'est incroyable. Dis-moi, jouer dans des conditions comme ça, c'était une première fois parce que c'était pas facile, il faisait froid, il y avait de la neige. C'était-tu ton premier match dans ces conditions-là? Pour moi, non, c'était pas la première fois que ça arrivait. C'est déjà arrivé quand je jouais pour les Gaillards, justement, il y a 2 ans de ça. Ouais. C'était pareil à ce qu'on a vécu, là, la neige à plein ciel. Il faisait froid, le tracteur il embarquait sur le terrain pour enlever la neige de temps en temps. C'est pas comme l'habitude là, qu'il fait beau, il fait chaud, puis on sue. Là. OK. Dis-moi, comment vous anticipez le match contre Antic? Ben, on a eu un gros match en fin de semaine, fait qu'on se dit que ça va être un gros match encore en fin de semaine prochaine. Les deux équipes sont pas mal la même force, fait que on va les étudier fort, on va recommencer fort. On va essayer de tout mettre de notre côté pour pas commencer comme le dernier match qu'on a vécu ici, parce que ça pourrait être ça pourrait moins bien marcher, mettons. Ben oui, c'est sûr. Écoute là. Est-ce que vous avez travaillé un peu? Est-ce que depuis samedi, est-ce que vous connaissez, c'est sûr, est-ce que vous avez des vidéos, vous avez étudié les vidéos? Oui, on a toutes leurs vidéos de tous leurs matchs qu'ils ont joué cette année. On va se mettre là-dedans. On a déjà commencé d'ailleurs. Hier, on avait un meeting avec tout le monde. On commençait tout de suite à regarder c'est quoi qu'ils font en profondeur. Puis chaque joueur de leur côté, on en fait tout aussi un peu à la maison par nos temps libres. OK. C'est quoi l'équipe? C'est une équipe qui est plus axée sur l'attaque aérienne au sol. C'est quoi une équipe plus forte en défensive? C'est quoi leur force? C'est quoi leur faiblesse de ce que tu entends, là? Ben, à date, je dirais qu'ils ont vraiment 3 bons porteurs de ballon. Les 3 sont de sol. Ils vont faire beaucoup de jeux de sol. Par la pause, ils sont présents aussi, mais moins un peu. C'est vraiment leur dadage aux courses, à la course, là, je peux dire. Puis, par une défensive, ils ont une défensive vraiment excellente. OK. C'est sûr que c'est la clé. Hein? On joue pas vraiment au sol. On contrôle le ballon. Contrôle le cadran aussi. Donc, c'est sûr que ça va falloir arrêter. Vous autres, votre unité défensive, défensivement, contre l'attaque au sol, c'est-tu bon? On est très bien préparé, je te dirais. On a beaucoup progressé aussi depuis le début de l'année. Fait qu'on va être prêt à les recevoir. OK. Simon, on parlait de toi un peu. Dernière année, c'est ta dernière année, c'est ça. Moi, on m'a dit hier que tu étais plus sûr de l'université. Est-ce que c'est vrai? C'est des possibilités, là. Je ne sais pas encore. Je suis pas rendu là encore. OK. Donc, parce que... Dis-moi en passant aussi, comment ça a fait l'autre fois de jouer avec ton frère, ça, des deux côtés? Ça devait être, ton frère avait hâte de faire ça, ça devait être un peu spécial aussi. Ben, c'est toujours le fun, là. Moi, j'aime ça jouer avec mon frère. On est de la même famille, on se connaît gros, on est tout le temps ensemble. Puis ça fait de quoi, là? C'est plaisant. OK, ben c'est sûr que c'est pas mal le fun aussi, là. Puis c'était le fun d'avoir deux frères. Puis je pense qu'il s'est bien débrouillé dans ce match-là aussi, là. Bon, ouais, il a très bien joué, il a connu un excellent match. Puis ça, c'est le fun aussi de voir ça, que je vais avoir une bonne relève. Ben oui, c'est sûr. Donc, dernière année, comment tu trouves ça, jouer ton dernier match? Ça doit être un peu spécial? Ben, j'y pense pas vraiment, je te dirais. Je prends ça au jour le jour. Ça arrive comme ça arrive, puis même que j'en ai plus, ben, ça va être terminé. OK. Ben Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances à toi et toute l'équipe des Gaillards. Jeudi, on parle avec l'instructeur d'Antique aussi. On va parler avec François Laberge également dans le bulletin sport local. Fait qu'on va te souhaiter la meilleure des chances et à toute ta gang de Joe Dulac qui sont là. Je pense que vous êtes quoi, 7-8 qui vont jouer en finale en fin de semaine? Ouais, ça doit être ça. Je connais pas le chiffre par cœur. Ouais, ça doit être ça. Donc, Simon Gagnon de Dolbeau-Mistassini.